jour, pas plus. Tout s'en va un peu plus à chaque fois. Je m'éloigne, pardonner, ça fait peur, ça ne s'oublie pas. Fais-le encore pour moi comme ça. Ces jours, pas plus, on s'efface, plus un souffle câlin. Se ressasse un peu plus ou un peu moins près de toi. Chaque fois, je m'éloigne, pardonner, ça fait peur, ça ne suffit pas.